لغة وشرعا ainsi que les types de sunna, celles qui sont sariha, donc claires et évidentes, ainsi que celles qui sont dhimniya, c'est-à-dire celles qui ne proviennent pas de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais plutôt des compagnons du prophète, mais elles ont le hukm, le statut de la sunna. Donc nous sommes arrivés au troisième bénéfice, le thamana al-thalitha. أن في لزوم السنة تحصل الهداية والسلامة من الضلال. Le fait d'être assidu à la sunna, on acquiert al-hidaya, la guider, et on se protège et on reste sain et sauf vis-à-vis de l'égarement. Donc troisième bénéfice, c'est que celui qui sait la sunna sera guidé et sera écarté de l'égarement. Et il y a un hadith où on y retrouve énormément de versions. Certaines d'entre elles sont faibles, d'autres authentiques, ce qui amène à ce que ce hadith donc, devient hassan, devient bon. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, « Inni qad taraktu fikum shay'an lantadidu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati » وَلَنْ يَتَفَرَّكَ حَتَّى يَرِيدَيْ عَلَيَّ الْحَوْضِ. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam, certes, je vous ai laissé deux choses, le livre d'Allah et ma sunna. Le livre d'Allah et ma sunna. Ou bien je vous ai laissé deux choses, vous n'allez pas vous égarer après avoir pris ces deux choses. C'est le livre d'Allah et ma sunna. Elles ne seront jamais dissociées jusqu'à ce qu'elles m'arrivent et elles me retrouvent sur le bassin Al-Hawd, qui est donc le bassin le jour dernier. Et dans une autre variante, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Hajj al-Wada, donc le Hajj qu'il a effectué, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit aux gens, « Ya ayyuha an-nas, inni qad taraktu fikum ma intasim yatasamtu bihi » l'intendez au abada, qui est Allah wa sunnati. Donc il dit sallallahu alayhi wa sallam aux gens, certes je vous ai laissé deux choses, si vous accrochez fermement à ces deux choses, jamais vous allez vous égarer. Le livre d'Allah est ma sunna. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit l'intendez-vous. Voilà, yufil et tahbil. C'est-à-dire que l'un, jamais vous allez vous égarer, c'est-à-dire que l'un, ce mot, donc, a comme bénéfice le fait que cela ne va pas arriver. Donc celui qui réellement suit la sunna du prophète et suit le livre d'Allah Azza wa Jal ne va pas s'égarer. Et il y a bien sûr encore d'autres versions vis-à-vis de ce hadith. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi rapporte dans un hadith qui est rapporté que l'on retrouve dans Al-Mu'atta d'Imam Ahmed où Abu Umama donc dit que le prophète sallam dit « Nadar la qawmu ba'da hudan kanu alayhi illa utul jadal » ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هو قوم خاصمون. النبي صلى الله عليه وسلم mentionne une catégorie de gens qui ont donc des caractéristiques, des spécificités. C'est qu'il dit que un peuple, à chaque fois qu'un peuple a été égaré, c'est parce qu'il a reçu donc un jadal. Donc l'art de la dispute, l'art d'aimer se disputer, ou d'aimer en vérité donc parler. Et puis Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam récite donc le verset où Allah Azza wa Jalla dit, donc ils ont toujours discuté avec toi, car ces gens-là en vérité sont un peuple de grands discuteurs, dans le sens où ces gens-là aiment faire le djadel. C'est-à-dire que si tu leur mentionnes un verset ou une sunna, ils vont essayer de critiquer. Ils vont dire oui, mais à cette époque, on ne peut plus utiliser ce hadith, sans réfléchir, sans penser. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on est dans, sur la route, n'importe quelle montée, que ce soit les escaliers, que ce soit l'ascenseur, que ce soit donc une route où il y a une montée, une colline, alhamdulillah, chez vous, il y a ce qu'il faut. Donc on dit Allah Akbar. Ceux qui aiment le djadel disent oui, mais ça c'était avant, c'était difficile, il montait à gamme, il montait à pied, il a créé. Maintenant on a la voiture. Nous aussi, il n'y a plus besoin de dire Allah Akbar. Et nous, on dit Allah Akbar de ce que tu permets de te dire. Car ils disent ça d'eux-mêmes. Et ils ont envie de dénigrer, car ils ont l'origine de quoi ? Donc justement, du djihad. Ils ont une maladie qui est déjà donc, dans leur cœur. Est-ce que ça change quelque chose ? On voit que An-Nabi Sassam donc, le disait ainsi ses compagnons à chaque montée. Et il n'a pas dit à chaque montée difficile, il n'a pas dit à chaque montée dès qu'à la terre à un kilomètre de hauteur, à chaque montée, même si c'est une petite montée. Donc à ce moment-là, une petite montée, c'est pas difficile ni pour eux ni pour nous. Et c'est pas une question de voiture, ou à pied, ou en âne, ou à dos de cheval, ou quoi que ce soit. Donc voici un exemple parmi les exemples du djihad. Et ces gens-là donc, rejettent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont envie de la rejeter. Car en vérité, ils ne l'aiment pas. Donc le guide d'Allah Azza wa Jalla et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont justement donc la guidée pour ceux qui les prennent, c'est-à-dire pour ceux qui les mettent en pratique. Dans ces hadiths, il y a en vrai une bonne annonce pour celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il reste assidu. Et bien sûr, car cette sunna est donc justement la bonne guidée. Et la personne va en profiter les jours derniers. Va en profiter les jours derniers, il y en a lorsqu'il va se retrouver, où ça, au bassin à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va pouvoir être abreuvé de ce bassin. Et n'oubliez pas que dans ce hadith, il y a des gens qui vont être repoussés par les anges. Sohkan, sohkan. Les anges vont en dire loin, loin. Donc partez loin de ce bassin. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Ashabi, ashabi. Ou bien Ummati, ummati. Mes compagnons, mes compagnons. Ou bien ma communauté, ma communauté. Et les anges diront que tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et ça, c'est une choubra pour les chiens, afin de dire que ce sont les compagnons du prophète. Tandis que l'autre hadith dit bien, ma communauté, ma communauté. Le Nabi, ça fait le fait de dire, mes amis, ça ne veut pas dire que ce sont que ceux qui ont vécu avec lui. Car à cette époque, ils se retrouvent devant lui. On se retrouve à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier, en tant que musulman. Et qui sont ces gens-là ? Ce sont les gens d'Abida. Ce sont les gens qui ont innové, qui ont décidé de légiférer dans la légende, dans la religion d'Allah Azza wa Jal, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il dit sallallahu alayhi wa sallam Ummati, Ummati, Ashabi, Ashabi. Donc il y a dedans Ahlul Bidar. Il y a dedans donc les gens de la Bidar. Donc déjà le fait qu'on voit par rapport à ce hadith que la sunna, le livre d'Allah et la sunna du prophète ne seront jamais dissociés jusqu'à ce qu'on rencontre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le bassin. Donc il en aurait été une bichara. Il y a en vérité donc une bonne annonce pour celui qui pratique et qui met en œuvre donc la sunna du prophète sallam ainsi que qui respecte le livre d'Allah Azza wa Jalla. Cheikh Islam Taymi rahmatullah alayhi dit kana a'immatul muslimin mithl Malik wa Hammad ibn Zayd wa Thawri wa nahwuhum innama takallamu bima ja'at bihi risala wa fihi al-huda wa ash-shifa. Faman lam yakun lahu 'ilmun bi tarikh al-muslimin يعطاد عنه بما عند هؤلاء وهذا سبب ظهور البدع في كل أمة وهو خفاء السنن المرسلين فيهم وبذلك يقع الهلاك ولهذا كانوا يقولون الاعتصام بسنة النجاة. Donc Cheikh Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi dit certes les imams des musulmans comme l'imam Malik ou Hammad ibn Zayd ou Thawri ou ceux qui sont en bande, comme eux, je vais doucement afin que les gens puissent décrire. Donc, et ceux, donc je répète, certes les imams parmi les musulmans, comme l'imam Malik, ou Hammad ibn Zayd, ou Al-Thawri, ou autres de ceux qui sont comme eux, certes parler de ce que sont venus avec, ou bien de ce que est venu avec la prophétie. Car il y a dans cette prophétie la guidée et la guérison. Et celui qui n'a pas la science, ou celui qui n'a pas science de la voie des musulmans, va bien sûr la délaisser, donc ne va pas connaître en vérité, ou va même des fois délaisser ce qu'il y a chez eux. Donc il y a pas, dans le sens en vérité, il délaisse et il n'a pas de goût à cela. Et voici donc la cause de la venue des innovations. Pour chaque communauté, les Kulli Ummah, Donc, hein, donc pour chaque communauté. Et cela, pourquoi? Donc ça c'est la cause des bidats. Car en réalité, les sunnas sont cachées. Les sunnas des envoyés sont cachées chez eux. Ils ne la connaissent pas. Ils ne connaissent pas les sunnas avec lesquels sont venus donc les envoyés d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que l'on voit que beaucoup de gens disent Azazdin ou Jadid. Beaucoup de gens disent, les vieux, qui ne connaissent pas les sunnas, ils disent souvent vous amenez une nouvelle religion. Car elles sont cachées chez eux. Et à partir de cela, donc survient l'égarement, ou plutôt la perdition. Survient donc la perdition. Et c'est pour ça qu'ils disaient, les imams donc disaient à partir de cela, le fait de s'accrocher à la sunna, c'est le fait d'être sauvé. S'accrocher à la sunna, c'est le fait d'être sauvé. Et Imam Malik, rahmatullah alayhi, dit, une parole qui est en vérité donc forte, parce qu'il dit, « Sunna, mithlu safinat an-nuh, man rakibaha an-naja, wa man takhallafa anha, halak. » La sunna est comparable à l'arche de Noé. Celui qui y monte, celui qui monte dans cette arche ou ce bateau, sera sauvé. Et celui qui ne monte pas, celui qui ne respecte pas cette sunna, celui qui ne pratique pas cette sunna, va périr. Elle va périr. Maintenant, si vous imaginez les bords de Noé, y a-t-il quelqu'un, une seule personne, qui n'est pas montée dans la sunna et qui n'a pas péri? Une seule seulement. Tout le monde a péri. Donc ils ont été voués à leur perdition. Et c'est le même principe pour la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est véridique, car la sunna, le bateau ou l'arche de Noé, certes, ont monté et ont pris ce bateau que ceux qui ont cru aux envoyés et les ont suivis. Et celui qui n'a pas su, celui qui a dit que ces envoyés n'étaient pas véridiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement péri. Car le fait de renier les sunnas du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de ne pas croire en lui, ne serait-ce que de façon relative. Même s'ils ont cru en lui, mais en réalité, ils ne croient pas en lui, c'est-à-dire de façon détaillée. Donc ils croient en lui de façon générale. On parle par exemple des gens de la Bid'a. Mais ne croient pas en lui en réalité de façon détaillée. Il renie ce dont il est venu avec. Non. Donc ça en réalité c'est une ressemblance aux mouchriquins, même s'ils n'ont pas commis de shirk. Même s'ils n'ont pas commis de shirk. Dans le sens où les mouchriquins bien seront reniés totalement, ou bien kuffar, tandis que Ahlul Bid'a, il renie certains points, voire énormément de points. Donc le fait de suivre la sunna, c'est le fait de suivre tout simplement la prophétie. Y a-t-il une prophétie sans sunna? Y a-t-il une prophétie sans acte des envoyés ou des paroles ou autre? Donc celui qui lui suit cette sunna est en réalité en équivalence avec ceux qui ont été sauvés avec nous, alayhi salatu wassalam. Donc le musulman qui réfléchit à cela, il comprend. Et le musulman qui réfléchit aussi à leurs paroles à eux, que ce soit les philosophes, que ce soit les gens de la parole, de la rhétorique et autres, et qui connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit, donc bien sûr d'une clairvoyance, donc c'est, chez lui c'est clair, et c'est net que cela soit égaré. Lorsqu'on dit que le prophète, c'est quelqu'un qui a que trois qualités. Ils disent qu'il peut s'imaginer, donc il s'imagine des anges. Il est intelligent. Et facilement, il peut donc sortir des statuts, des lois. Donc c'est comme ça qu'ils voient le prophète. Mais ils ne disent pas qu'il est venu de la part d'Allah Azza wa Jalla. Tout le reste, c'est que invention, c'est imagination. Le falasifa. Parmi eux, Nusina, donc Avicenne, comme les gens vendent beaucoup du fait que vis-à-vis de la médecine, lui, qui était Batini, ou autre encore. Donc ces gens, en vérité, ont oublié que ces gens-là ont mécru au livre d'Allah Azza wa Jalla et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit dans les paroles et les façons de procéder de ces gens-là, donc du kufr et de l'égarement, de ce qui est venu le Coran, de ce qui est venu avec le Coran, ainsi que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va connaître donc clairement et réellement leur égarement que à partir du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour revenir à cela, il suffit de voir comment étaient en divergence avec eux, bien sûr, les compagnons du prophète, qui étaient totalement différents de ces gens-là, de cette communauté, dont les gens aiment énormément se retourner vers eux. La majorité des musulmans aiment se retourner vers quelqu'un parce qu'il a eu un diplôme, parce qu'il est bon dans ceci. On en profite pour dire que c'est le père de la médecine, donc ça fait bien. Ça fait bien devant Al-Kuffar, ça fait bien devant les autres. Nous, on a mieux que cela. On a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on a aussi les compagnons du prophète. On a en vérité donc Himmat al-Muslimi. Et cela nous semble bien meilleur que cela. Lorsque le juif demande au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné tout, il a bien mentionné lui jusqu'aux toilettes. Il a mentionné même quelque chose qui paraît donc aux yeux des gens anodin. Il a dit, nous a même appris comment on fait lorsqu'on entre aux toilettes. Il a parlé de cela, il a pu parler d'autre chose. Mais pour montrer que même les détails, même les plus petites choses, on le dit, mais on est fier. Il n'y a pas le fait de se cacher devant ça. Il ne s'est pas caché devant ça. Il a parlé des toilettes, il n'a pas parlé d'autre chose. D'où justement, en réalité, l'intérêt et aussi de savoir l'importance de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans ces choses-là. On entre du pied gauche, par exemple. Et les compagnons du prophète ont été les plus savants dans ce dont est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Abdallah ibn Mas'ud, et vous connaissez qu'Abdallah ibn Mas'ud était très assidu à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très fort dans ce domaine. Il dit, man kana minkum musallan falyasallim biman qad mat. Donc celui qui désire prendre un exemple, donc il prend un exemple de celui qui est mort. C'est un compagnon qui parle. Donc ceux qui sont morts sont qui? Ce sont les compagnons qui étaient avant lui. Il est en train de mentionner Abu Bakr, Omar et les autres, parce qu'il est encore vivant lui. Lorsqu'il parle, c'est un compagnon. Donc les grands compagnons sont déjà morts devant avant lui. Il dit, فَإِنَّ الْحَيَّةِ لَا تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ. Car le vivant, on n'est pas sûr que de sa part viendrait donc une turpitude, une fitna, une tentation. أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ كَانُوا أَقَرَّ هَذِي الْأُمَّةِ قُلُوبًا. Il dit, ce sont les compagnons du prophète. C'était donc qu'ils ont les cœurs les plus obéissants, les plus purs et les plus saints en réalité, de toute cette communauté. Donc les meilleurs cœurs de cette communauté. Et ce sont ceux qui ont la science la plus profonde, la plus forte, la plus grande. Ils comprennent réellement les choses, comme elles doivent être comprises. Et ne se fatiguent pas à comprendre les choses, dans le sens où ils l'ont compris de façon réelle. Ce ne sont pas en réalité comme les gens de la Bida qui cherchent à dire Nafan, donc c'est Tawil, donc le frère Salim vous a expliqué par rapport au Tawil, donc des points. Au lieu de prendre le mot main, par exemple, comme il doit être compris, non, on va chercher à aller plus loin. Donc ça en réalité c'est du taklif, c'est le fait de se fatiguer à réfléchir pour trouver quelque chose afin de s'éloigner du mot de vérité, afin de s'éloigner en réalité du mot qui est d'origine, par exemple. Donc, « Attaluha takallufa »« Qawmun ikhtarahumullah li sohbati nabihi sallallahu alayhi wa sallam wa iqamati dini » Un peuple dont Allah Azza wa Jal a choisi afin qu'ils accompagnent son envoyé sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils mettent en pratique, donc qu'ils mettent en place sa religion. Il n'y avait rien avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme islam. Lorsqu'il est venu, lui, et avec ses aides, ses compagnons, regardez ce qu'ils ont fait hein, vis-à-vis de la religion. Regardez ce qu'ils ont fait vis-à-vis de la religion. Donc Allah Azza wa Jalla a choisi les meilleurs des croyants, les meilleurs des cœurs, afin d'en faire les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Fa'arifu lahum haqqahum. Connaissez donc leurs droits. Connaissez donc leurs droits, réellement. Wa tamassaku bi'alihim fa'innahum kana ala huda al-mustaqim. Et suivez, ou bien accrochez-vous donc fortement à leur guidée, car ils étaient dans une guidée droite, dans une voie droite. Donc ça c'est vis-à-vis, donc de façon succincte bien sûr, donc vis-à-vis de la guidée. Le fait que celui qui suit la sunna sera bien guidé et va s'écarter de l'égarement. Et parmi aussi les bénéfices toujours du suivi de la sunna, c'est que celui, donc, dans la sunna, il y a donc le fait de respecter le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de ne pas pratiquer, mais ne pas respecter la sunna, il faut aussi le fait donc de sortir de ce respect de ce nom. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: Man raghiba an sunnati fa laysa minni. Man raghiba an sunnati fa laysa minni. Celui qui ne désire pas, hein, tarib, sans arrêter le fait de détester, c'est le fait de vouloir s'en détourner. An sunnati fa laysa minni, n'est pas des nôtres. Donc celui en réalité qui ne désire pas ma voie, ma sunna, n'est pas des miens. N'est pas des miens. Ne fait pas partie des réels croyants. Ne fait pas partie des réels musulmans sunnites. En réalité, il est un musulman, mais simplement il a détesté la sunna. Et bien sûr, il y a une histoire par rapport à ça. Et vous connaissez sûrement l'histoire des trois. L'histoire du Malik, donc le Khalif de Anas ibn Malik. Donc il dit, radiallahu ta'ala anhu, ja'a thalatha turat ila buyut azwaj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yas'aluna an ibadati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falamma ukhbiru annahum taqaluha faqalu ayna nahnu min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Il y a trois personnes, trois adorateurs, qui sont venus voir le prophète, donc ils ont été voir dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire dans, chez ses épouses. Et ils leur questionnèrent sur l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'ils ont su comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah, ils ont dit: qui nous sommes devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. قال احدهم اما انا فاني اصلي الليل ابدا الديمون جي بريي toute la nuit وقال الاخر انا اصوم الدهر ولا افطر le deuxième dit je jeûnerai tous les jours sans m'arrêter tous les jours je jeûne donc il n'y aura pas un jour où je ne vais pas jeûner وقال الاخر انا اعتذر النساء فلا اتزوج ابدا et moi je délaisserai les femmes je ne me marierai jamais فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. Donc le Nabi صلى الله عليه وسلم est venu les voir lorsqu'on dit cela au prophète صلى الله عليه وسلم. Il dit: est-ce que c'est vous qui avez dit ceci et cela? Et par Allah, donc je suis le plus pieux. Hein, je suis celui qui craint le plus Allah, d'entre vous. Et je suis le plus pieux aussi d'entre vous. Mais moi, je jeûne et je romps le jeûne. Je prie et je dors. Je me marie. Et celui qui ne désire pas ma sunna ne fait pas partie des miens. Trois personnes qui ont envie de faire du bien. Trois personnes qui n'ont pas envie en réalité de causer du tort. Il s'imagine être en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils disent: pour, je dois faire mieux que cela. Et je dois en vérité faire mieux. Et ils ont dit: c'est les deux mêmes. De quoi l'adorer à leur façon. Donc on voit que l'adoration ne peut pas passer que par la sunna. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à ça, il a été dur envers eux. Car il a dit: Famenara, il va un il fallait un il n'est pas des nôtres. Imaginez-vous le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous dire ça en face. Comment on va se retrouver? Qu'est-ce qu'on ressent si on reçoit ça de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu n'es pas des miens. Ils veulent adorer, ils aiment Allah énormément. Mais ils ont décidé de quoi? D'adorer Allah Azza wa Jalla avec Dieu. Et pas par le biais de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas par le biais du Coran de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils veulent donc en vérité faire du bien. Ils vont voir comment était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se disent: on a besoin de faire plus. Tu ne pourras jamais faire plus à la couleur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quoi qu'il en soit. Tu ne pourras jamais envoûter, tu pourras faire peut-être plus en chiffres, mais tu ne pourras jamais faire mieux en bonté, en façon de faire. Si tu as décidé de faire plus en chiffres, tu vas peut-être réussir, mais pas en vérité en façon de faire. Ni fil haïa, ni fil khoucho, et pas autre encore. Donc ils ont bien sûr rejeté la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le fait de rejeter le sunna du prophète sallam, donc ici, ce sera composé de deux composantes. On retrouve deux façons de fait de rejeter la sunna du prophète sallam. Il y a donc celle qui fait sortir de l'islam et celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Le fait donc de maintenant, donc celui qui la rejette car il s'en détourne, mais en plus la renie, la rejette. Il y a un inkar, il réprouve la sunna du prophète sallam. Il la dédaigne, il la déteste. Donc bien sûr, celui-ci en vérité a commis un acte de kufr. il a en réalité commis un acte de mécréance. Et celui qui la délaisse par fainéantise, hein, par relâchement ou par oubli, donc là en vérité c'est un qasr. C'est le fait en vérité qu'il est diminué dans sa foi. Il est tout simplement en vérité diminué dans sa foi. C'est-à-dire qu'il a quand même l'origine. Et l'origine elle est dans le cœur. C'est de savoir qu'en vérité cette sunna elle doit être faite. Il ne la fait pas par en vérité faiblesse de foi. Car on sait bien que chacun sa foi. Chacun a son niveau de foi. Hein? Al-Iman, Yazid ou Yankous. Yazid ou Bita'a ou Yankous ou Bilmarsiya. La foi augmente et diminue. Elle augmente de par l'adoration, de par l'obéissance, et elle diminue de par en vérité les péchés. De par les péchés. Non. Donc voici en vérité comment les gens sont de façon générale. Cinquième point, ou cinquième bénéfice, toujours vis-à-vis des bienfaits de la sunna, c'est que celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'éloigne, en vérité, de suivre le shaytan. S'éloigne de suivre le shaytan. On sait que après le Bouddha, il y a quoi? Il y a le dalal. Après la guidée, il y a l'égarement. Donc si tu ne suis pas la guidée, tu vas en vérité suivre une voie parmi les voies de l'égarement. Les shaytan, bien sûr. Et dans chaque voie, ou dans chaque égarement, il y a un diable qui appelle. Il y a un shaitan qui appelle en vérité, dans ce sabil, à cet égarement. Et après Allah ibn Mas'ud, donc rapporte justement donc, le hadith, « Khatta lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khatta faqal, hada sabil Allah, thumma khatta khututan an shamalihi wa an yaminihi, thumma khatta khututan saghiratan an shamali hada al-khat wa an yaminihi, thumma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, هذا سبيلي أشار إلى الخط الطويل وقال هذا سبيلي وهذه السبل على كل سبيل منها الشيطان يدعو إليه ثم تلا وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بهم بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. Donc Abdallah ibn Mas'ud rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a tracé un trait. Il a dit ceci est la voie d'Allah. Et puis il a tracé des traits à la droite de ce trait et d'autres à la gauche de ce trait. Donc ils sont, la trace est donc des traits à la droite et des traits à la gauche, et là donc, ces traits, et puis la trace aussi des traits qui sont petits, toujours à droite et à gauche de ce trait. Donc il dit, ça va voir simple, voici ma voix, en montrant le grand trait. Donc là, le grand trait. Et voici les voix, en montrant celle de droite et baisser celle de gauche. Elle dit, et à la tête, en vérité, de chaque ce petit trait, il y a un shaitan qui appelle à cette voix. Et puis il récite la parole d'Allah Azza wa Jal, certes, voici moi à votre droite, suivez-la. Et ne suivez pas les voix qui vont vous séparer et qui vont vous éloigner de cette voix. Voici l'ordre d'Allah, en espérant que vous allez craindre. Donc c'est un grand conseil, c'est un ordre, en espérant que vous allez craindre, que vous allez craindre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, donc il trace un grand trait. Et même un chemin, il est long. Ça demande de la patience. Ça demande en vérité d'endurance. Ça demande al-isti'ana, le fait de demander de l'aide à Allah Azza wa Jalla. Et on ne devient pas superflu, si on peut dire ça comme ça du jour au lendemain. Il faut en vérité donc œuvrer pour obtenir un niveau en réalité de foi. Il faut du temps. Et à sa droite et à sa gauche, il y a ces petites voies-là, qui sont frêles, qui sont fragiles, c'est des petits traits, même s'ils sont longs, mais ils sont fins. C'est pas une anse qui est solide. Et puis en réalité, tu entreras dans ces voies, plus tu vas quoi? T'éloigner de la voie du milieu. Plus tu vas t'éloigner, parce que chaque bid'a, lorsqu'elle vient au départ, elle paraît anodine. N'importe quelle grande secte a commencé avec une petite bid'a. Alors avoir fait, ils ont commencé par l'exagération dans l'amour de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit actuellement là où ils sont arrivés, dans le fait donc de renier le Coran, dans le fait de rajouter et d'enlever, d'interpréter le Coran, par exemple. Ou autre, dans toute leur langue, ils ont des problèmes dans tous les domaines de la religion. Al-Khawarij de la même façon. Ils ont exagéré dans le fait de recommander le bien et de réprouver le mal. Et ils ont eu peur. Ils ont donc eu peur des péchés. Ils ont désespéré de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, et on voit que cela les a amenés à tuer les gens, à délaisser les gens, donc les mouchriquins, pour en réalité tuer les musulmans. Et autre encore, on pourrait appeler mentionner d'autres sectes encore. Donc celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam aura donc en vérité suivi la voie droite. Celle dont on récite tous les jours, et dina salat al-mustaqim. Donc plusieurs fois, une vingtaine de fois, peut-être plus, selon les sunnas qu'on fait, dans la journée. Donc 17 fois si c'était rien que pour les prières obligatoires, sans mentionner aucune sunna. 17 fois. Et dina salat al-mustaqim. La meilleure doua qui existe, c'est de demander la guidée d'Allah Azza wa Jal. Dans Al-Fatiha, soit Al-Fatiha, tous les jours. Tous les jours, tu mentionnes ce verset-là. Et tu demandes quoi en vérité? Tu demandes la partie de chez... Donc, tu demandes, tu invoques, et tu es en train d'invoquer en réalité, et tu es en train de demander la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Car ça fait partie de la méthode de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal de se retrouver dans la voie droite. Et tu demandes la meilleure miséricorde d'Allah Azza wa Jal. C'est pour ça que ce verset est venu dans cette sourate qui est Arvima, qui est la meilleure sourate du Coran. Guide-moi vers le droit chemin. Donc ce droit chemin, Shaytan ne prend pas, donc ne t'aide pas à emprunter ce chemin. Il n'y a pas de place pour Shaytan dans ce chemin. Contrairement à tous les autres chemins. Contrairement à tous les autres chemins sans exception. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il nous montre, lorsqu'il fait ce dessin, afin que les gens comprennent bien. Donc ça serait permis par rapport à cela d'utiliser un tableau et de faire ce genre de choses. Si il y a des choses où on a besoin d'expliquer en faisant un dessin, donc c'est permis, car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Si on venait par exemple à tracer trois cercles, en disant que celui qui est à l'intérieur de ce cercle fait partie des musulmans, on trace un cercle qui est un peu plus grand, donc qui entoure l'autre, qui englobe l'autre, on va dire que ça c'est Al-Iman, et le troisième, Al-Ihsan par exemple. Et on donnerait des exemples. Donc, comment tu fais pour être musulman, comment tu fais pour être mu'min, et comment tu fais pour être mu'assim, par exemple. C'est permis. Avec les gens, on a été l'image de cela. C'est permis. C'est parmi des as-salib al-da'wa al-mubaha. Même al-masluna, car le Nabi s'amil l'a fait. Et aussi, on voit, donc toujours par rapport à cela, qu'on ne peut pas en vérité arriver à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam que à kulli hal par le biais de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu en vérité expliquer le Coran. Qui est venu en réalité expliquer le Coran. Ou elle est venue expliquer des versets qui sont généraux, donc ça venait d'une spécificité, ou bien elle est donc moustaqilla. Il n'y a pas de verset qui parle de cela du tout. La sunna elle est là. Et Allah Azza wa Jal aurait pu très bien en vérité nous expliquer tout dans le Coran. Mais il a laissé cette part au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'on en suive. Afin que l'on prenne comme guide sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui veut prendre et emprunter la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il sache donc que c'est long. Tariq tawil. Donc en vérité, la voie est longue. Donc il faut patienter. Il faut de la patience afin d'arriver donc au bout de ce chemin. Et ça a toujours été demandé, que ce soit de la part d'Allah Azza wa Jal, ou bien du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien des A'immat al-Muslimin. Et Allah Azza wa Jal dit bien dans Sourate al-Asr. Voilà, Asr. Inna l'insana la fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. On voit bien. Donc Allah Azza wa Jal jure par le temps. Il jure par quelque chose d'important. Certes, chaque personne est en perdition. Toute personne. Donc ça, c'est notre origine, la perdition. On est tous en perdition, sauf quatre points, quatre catégories de personnes, ou bien sauf ceux qui vont en vérité respecter cela. Sauf ceux qui ont cru, l'iman, donc il faut commencer par l'iman bil-ghayb, le fait de croire en Allah, aux anges, aux livres, et la khiri, et qui œuvrent de la meilleure façon. Donc là on comprend, on pense aux œuvres qui sont apparentes, la prière, la zakat et les autres, et qu'ils se recommandent mutuellement la vérité. Le fait de recommander le bien et de réprouver le mal. Et tu te recommandes la vérité. Donc le Coran national du prophète, parce que c'est la vérité. On ne se recommande pas juste de parler, mais de prononcer ce qui est de preuve. De c'est-à-dire donc le Coran et la sunna authentique. Et qu'il se recommande aussi la patience. Parce qu'une fois que tu as enseigné aux gens le Coran et la sunna, tu vas trouver donc des chemins qui vont essayer de te barrer la route à cela. Les shayatin, l'ins ou l'jin. Donc en réalité, tous les shayatin vont essayer en réalité, de t'éloigner de cela, car ils ont besoin de faire les efforts pour que tu quittes cela. Et si tu quittes cela, ils vont en réalité se reposer de toi. Shayatin se repose de celui qui n'est pas dans le droit chemin. Il ne se fatigue pas avec lui. Il se fatigue avec celui qui est dans le droit chemin. Donc voici en vérité le meilleur, donc là, la meilleure recommandation que l'on peut faire par rapport à cette sourate. La meilleure recommandation que l'on peut se faire les uns envers les autres, c'est justement en vérité par rapport à cette sourate. Et il est clair que pour appeler Allah Azzawajal, il faut de la patience, car on va entendre de tout. Et les savants ont entendu de tout vis-à-vis de leur part, donc lorsqu'ils ont appelé Allah Azzawajal. Et on commençait par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'istirjel, l'empressement, ne fait pas partie en réalité donc, des caractéristiques du croyant. Le fait de vouloir s'empresser à apprendre sa religion. Le fait de vouloir s'empresser à appeler Allah Azza wa Jal. Le fait de vouloir s'empresser à chaque chose. Car c'est aussi Shaitan qui te pousse, justement, c'est un sabbat parmi les sabbats pour que tu t'égares, sans le savoir, parce que tu es pressé de tout faire. Il y a beaucoup de gens qui ont été empressés, donc n'arrivent pas en vérité à un résultat. Et parmi l'empressement, c'est Al-Khawarij. Al-Khawarij, ils sont en vérité énormément pressés pour, dès qu'ils voient un mal, de vouloir rechanger le mal de force. Alors qu'en vérité, c'est pas la façon de faire. Personne, Al-Khawarij ne change pas l'état d'époque que s'il change ce qu'il a en eux-mêmes. La même chose pour ceux qui appellent Al-Khawarij du Rédéri, Jama'at Tabir. Ils entrent dans Din. Et le lendemain, ils veulent parler. Ils ont déjà fait parler une convertie le premier jour de sa conversion. Imaginez-vous, ils l'ont poussé, elle ne voulait pas parler, elle a dit, qu'est-ce que je vais dire? Je ne sais pas quoi dire, parle de ce que tu veux. Ils ont poussé quelqu'un, un jeune, qui ne connaissait rien de la religion, lorsqu'il arrive dans la mosquée pour parler en face des gens, il a dit que Allah Azza wa Jal khalaqa ash-shams lin-na'na. Allah, il a créé le soleil pour le na'na. Quand même, c'est grave. Non, c'est marrant et en même temps, c'est triste. Vous voyez un petit peu la chose. Vous dites qu'Allah a créé le soleil pour le na'na. Subhanallah. À ce point-là, ça c'est bien le murakkab. Parce que je pense que même n'importe qui d'entre nous n'aurait pas osé dire ça dans le début de sa religion. Dalil, comme quand il y a un problème, on force les gens à dire le mouhim a parlé. Et ça c'est interdit. C'est l'empressement. Il ne faut pas être comme ça. On a du hamas pour la religion, et bien alhamdoulilah, on suit quand même les voies qui vont nous ramener à comprendre cette religion. Il y a des voies. Donc c'est le fait de revenir où ça va. Le fait de revenir en vérité là où il y a de la science afin de revenir à Kuhela vers les gens afin de leur enseigner la religion dans la race d'origine. Et aussi, donc par rapport à cela, il parle de Nasr al-Din Ahmed ibn Muhammad al-Ma'rour bi ibn al-Mourir rahmatullah alayhi. Donc il dit min al-hukouk al-wajiba nashruha ya'ni al-sunna ala al-nasi qatibatan يحملها الأخذ إلى الغالب. Donc parmi les droits obligatoires qu'il faut en vérité propager, c'est-à-dire la sunna. C'est une obligation de propager la sunna chez les gens. Pour tout le monde, à la naissance, le fait que cette religion elle est une religion générale, il n'y a pas de choses cachées. Il n'y a pas de choses cachées. Dès que les gens en vérité ont décidé de cacher des choses aux gens et de dire des choses claires à certains musulmans, c'est car ils sont en vérité donc à la base d'un égarement, comme le dit Omar ibn Abdel Aziz rahmatullah alayhi. Donc, tu dis aux gens, afin que les gens en vérité donc, prennent, donc bien sûr, tout ce qu'ils peuvent prendre de cette sunna. Donc, celui qui est témoin de ces textes, qui le donne et qui le propage à celui qui est absent. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, nadara Allahu amran, sami'a maqalati. فوعاها ثم أداها كما سمعها فربما مبلغ أوعى من السامع. النبي صلى الله عليه وسلم dit Allah illumine le visage d'une personne qui écoute ma parole et qui la comprenne comme il le faut. فوعاها, il a apprise, il la comprend comme il le faut, puis il la donne, donc il la propage à celui qui l'entend. Et il est possible que celui qui l'entend, en vérité, sera en vérité, donc aura mieux compris que celui qui l'a enseigné. Il est possible. Donc en vérité, pour dire que chacun en vérité a sa compréhension. Donc là, peut-être, il y a peut-être 15 ou 20 personnes qui ont mieux compris que moi et qui vont l'expliquer en vérité d'une encore de meilleure façon, avec des meilleurs mots, par exemple, de la meilleure façon, et d'autres, et ainsi de suite. Et ça, jusque, on espère jusqu'au jour dernier, pourquoi pas. Donc on voit ici que le fait, donc, la personne, donc celui en vérité qui va enseigner à celui qui ne connaît pas, va l'enseigner avec quoi? Avec un âne. Il va enseigner la parole du prophète sallam, quand même il a dit fawa'aha, sami'a wa wa'a fawa'aha. Donc c'est mal entendu, mais en plus il a appris comme il le faut et il a compris comme il le faut. Donc il y a une amana ilmiya. Il va respecter donc justement cette science qui doit être propagée. Il ne va pas en vérité expliquer de sa façon, de sa propre tête. Mais alhamdulillah, il a donc il a appris, il a étudié, il a compris le vouloir de cela et il explique. Il est possible que de temps en temps, comme le font les savants, bien sûr, des fois, sans avoir peut-être eu certaines explications, on arrive à un certain niveau de science qui est suffisant pour pouvoir qu'ils expliquent, même s'ils n'ont pas d'explication. Et on va voir qu'ils sont conformes. Car ils connaissent l'islam. Donc il est possible qu'ils vont les rahadith, sans avoir dépassé sur une explication de savants avant eux, mais comme ils comprennent bien l'islam, des fois ils arrivent. Et ça, c'est offert à Allah Azza wa Jal. Qui donne à qui il veut à Allah Azza wa Jal, donc bien sûr parmi les savants, les gens de science. Les gens de science. Donc ici, la personne, des fois, donc, elle va en vérité, donc, enseigner, et alhamdulillah, parmi les élèves, il y aura justement des fois qui sont des gens qui sont meilleurs, des gens qui sont sûrement meilleurs que le professeur. Non. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé, donc parce qu'on sait qu'en vérité, au-dessus d'un savant, il y a toujours un savant qui sera plus fort. Et c'est comme ça. Le Nabi est le savant le plus fort, c'est clair que c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et dit, donc Allah il dit, il dit. Et lorsque vous voyez Qul, sachez que ça devient une sunna. Le mot Qul dans le Coran, c'est-à-dire que le Nabi sallam le dit, donc ça devient en vérité une sunna. Rabbi zidni ilma. Oh, donc mon Seigneur, augmente-moi en science. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, contrairement de façon générale, de grande façon générale à tout le monde, c'est le seul dont la science n'a pas diminué. Ou l'un des seuls. Car il y a sûrement aussi certains savants qui ont eu ça. Car de façon générale, lorsqu'on vieillit, hein, et surtout si on atteint l'âge d'une sénilité, on oublie. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il était parfait, donc Allah vis-à-vis du ilm, vis-à-vis de la science, Allah a voulu que sa science soit complète, donc il n'y a pas eu de diminution. Il est mort, bien au contraire, avec tout le temps, donc, une science qui augmentait. Donc ça, c'est justement aussi. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait doa, afin de ne pas atteindre l'âge de sénilité. Donc il demande qu'Allah ne fasse pas de lui quelqu'un de sénile. Pourquoi? Afin de ne pas perdre justement cette science qui était en lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la seule chose dont le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a demandé. Où il y a une ziyada. C'est le seul verset où on va trouver justement cette ziyada de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est la base de tout bien, tout simplement. C'est la base de tout bien, la base de tout acte, la base de toute parole, la base de tout bien, la base de la religion, tout simplement. Parce que l'ilm, c'est le wahi. Donc, c'est le wahi. Non. Et les ulama, donc bien sûr, ils ont bien compris cela. Ils ont bien, à tous les hels, compris cela. C'est pour ça que certains d'entre eux disaient, par rapport en vérité à cette science, si je devais apprendre, ne serait-ce qu'un sujet vis-à-vis de l'héritage, avant de mourir, je le ferai. Je préfère mourir avec que plutôt mourir sans. Parce que même si ça m'est pas pris, on n'a pas besoin. Mais je préfère mourir avec, en vérité, que de mourir sans. Donc c'était, on sait bien que lorsqu'on a demandé à l'imam Ahmed, il a dit jusqu'à la mort. Il a dit en vérité, donc de la naissance, après, jusqu'à la mort. Parce que quand tu vas apprendre, il a dit jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Tandis que celui qui en vérité qui n'apprend pas, donc c'est clair qu'il vit tout le temps avec je ne sais pas ça, je ne sais pas tel sujet, je ne sais pas tel sujet, je ne sais pas ceci, je ne sais pas en vérité cela. Il est tout le temps par rapport à cela. Donc il ne connaît pas grand chose. Le alim le dit la adali, parce qu'il ne sait pas aussi. Mais simplement lorsque lui dit la adali par tawadu, par justement, donc humilité de sa part, on sait que le savant, donc la adali c'est nestorim. Parce que c'est le tawadu, c'est justement, il sait que son niveau s'arrête quelque part. Il a un niveau de sens qui s'arrête. Et il dit la adri. Les ulama ont dit par rapport à cela que celui qui dit Rani, Rani, à mon avis, à mon avis. Donc c'est le Nesfidjah, c'est le contraire, c'est la moitié de l'ignorance. Donc celui qui fait des fétouas à tort et à travers sans s'arrêter, alors qu'en vérité il n'a pas la science suffisante, on sait qu'en vérité il n'ose pas de montrer devant les gens qu'il ne connaît pas. Combien de personnes ont dit, tel imam, ça fait 15 ans qu'on lui pose des questions, il ne s'est jamais arrêté, il n'a jamais dit la adam. Parce qu'en vérité, ces gens-là ne peuvent pas se permettre. Et on a vu des fois, même dans les sujets qui ne paraissent pas difficiles, des grands savants ont dit Allah A'lam. Et vous-même, vous l'avez sûrement entendu, lorsque vous faites le Hajj, lorsque vous faites le Hajj et que vous écoutez Cheikh Abdel Mohsen Hafez. Plus d'une fois, on a entendu dire Allah A'lam dans plusieurs sujets. Des gens qui passent leur vie, qui ont près de 80 ans et qui ont été bercés dans la science. Alors si eux disent Allah A'lam, que dire de ceux qui sont moindres? Et ceux-là font partie des grands savants de cette communauté. Donc, à partir du moment que la personne ne le sait pas, elle égare. Et cet égarement, donc il va en vérité égarer énormément de gens. Et Cheikh Ibn Taymiyyah, par rapport à ces égarements, il dit وَعَلْمَةُ هَذِي الطَّلَالَاتِ إِنَّمَا تَتَرَّكَ مَنَّمْ يَعْتَصِمْ بِالْكِتَابِ وَالسُنَّةِ كَمَا كَمَا الزُّهْرِ يَقُولُ كَانَ عُلَمَاؤُنَا يَقُولُونَ الْاِعْتِسَامُ بِالسُنَّةِ وَالنَّجَاتِ. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah dit la majorité des égarements, en vérité, ont été faites par celui qui ne s'accroche pas en réalité au livre d'Allah et à la Sunna. Et l'imam al-Zuhri, rahmatullah alayhi, dit certes, nos savants disaient le fait de s'accrocher fortement à la Sunna, c'est le fait de réussir. Donc là, s'accrocher à la Sunna, c'est la réussite. Et l'imam Malik, toujours dit donc, la Sunna, ça fait nat al-Nur. Man rakibaha an-najah wa man takhalafa anha halak. Ou bien halak. Il y a une version qui dit halak, il y a une version qui dit halak. C'est-à-dire qu'il a coulé. Ou il a péri, ou il a coulé. Après, les deux sont pareils. وذلك أن السنة والشريعة والمنهج والصلاة المستقيم الذي يوصل العباد إلى الله. Car en réalité, la sunna et la législation et la voie sont les voies droites qui amènent le serviteur et qui vont exporter le serviteur à Allah Azza wa Jalla. Ils vont t'amener vers Allah Azza wa Jalla. والرسول هو الدليل الهادي الخليط في هذا الصراط كما قال تعالى إن أرسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا. النبي صلى الله عليه وسلم c'est l'exemple qui t'amène, c'est celui qui te montre tout simplement comment arriver à Allah Azza wa Jal. Il te montre quelle est la voie à suivre. Il y a une voie, tu veux la connaître, donc tu as un guide. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certes, nous t'avons envoyé en tant que témoin, et en tant qu'annonciateur, et en tant qu'avertisseur. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il annonce et il avertit. Il y a des gens qui ne veulent que annoncer. Tarik fakat. Faut pas faire peur aux gens. Faut les laisser comme ça, dans l'égarement. Il ne faut pas leur faire peur, il faut juste en réalité montrer que les bonnes les récompenses de l'islam. C'est un khatar. Parce que tu vas l'amener que à aimer les bonnes choses et tu vas ne pas comprendre ce qui est danger. L'islam est venu avec un juste milieu. Un tarib ou un tarib. Le fait de donner le désir fort et le fait aussi d'effrayer les gens. Effrayer les gens dans ce qui est interdit. À partir du chef, du kouf, de la bid'ah et des ma'asi. Si tu ne fais pas cela, donc tu n'auras pas en vérité, tu n'auras respecté que quoi ? Une partie de la risala. Donc il y a un manque. Donc tu ne seras pas un vrai da'i. Tu ne seras pas en réalité donc, celui qui aura appelé correctement. Tu n'appelles que au bon désir. Il faut que tu montres aussi ce qui effraie, ce qui fait peur. Pour que la crainte entre dans le cœur de la personne. Sinon, comment la crainte va entrer si la personne ne sait pas que cela est interdit? Non. Et aussi, Allah Azza wa Jalla donc montre toujours par rapport au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi c'est le guide. Il dit, wa innaka la tahdi ila salat al-mustaqim. Certes, tu guides vers la voie droite. Certes, tu guides vers la voie droite. Sirat Allah alladhi lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ala ila Allah al-nasir. Ala ila Allah al-tasir. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit bien, c'est la voie d'Allah. Donc, celui qui a, et qui possède les cieux et la terre, et celui qui possède ce qu'il y a dans les cieux, et dans la terre, et n'est-ce pas que vers Allah tu vas? Donc tu vogues, n'est-ce pas que vers Allah Azzalou tu vogues? Et il y a aussi donc le verset qu'on a vu auparavant. Mais on revient encore une fois donc à la trace, le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé donc cette voie. Donc celui qui a d'où l'intelligence, en vérité il sait que le seul guide c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pas des gens qui, à partir des histoires, comme Arawafid, hein, qui essaie de détourner les gens en faisant croire qu'ils se révoltent, en faisant croire que ceci, en faisant croire que cela. Des gens vont insister sur l'amour. L'amour, il faut être gentil, l'amour par rapport au soufi ou la khiri, le fait de se rapprocher d'Allah Azzawajal, les gens vont étudier la révolte, que ce soit Al-Khawarij ou Al-Rawafid, dans le fait d'être attristé de ce qui arrive à Al-Hussein. Voici ce que vont faire les compagnons du prophète, qu'ils n'ont pas donné à Ali, ils ont caché les hadiths, c'était Ali qui devait être gouverneur, que ça ne devait pas être. Donc, hein, ils n'ont pas, voici, ça devait être lui qui devait suivre le prophète, ça n'est pas Abu Bakr, et ainsi de suite. Et ça commence comme ça, jusqu'à ce qu'on amène dans leur cœur, en vérité, la haine. De quoi? De tous les compagnons du prophète, sauf certains. Aussi, toujours, par rapport à cela, hein, toujours donc, par rapport au Fawaïd, c'est le fait de suivre la sunna en vérité, elle te permet d'acquérir aussi donc la sharia. C'est-à-dire, en vérité, elle te permet d'acquérir la législation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la religion d'Allah azzawajal, donc, te permet donc de connaître la législation. Parce que tu vas justement suivre le Coran et la sunna. Donc tu vas savoir que tu ne dois adorer que Allah azzawajal seul et seul ceci. Tu connais Tawhid. Tu connais son contraire. Et vous avez sûrement vu le frère Akhabes, s'il a parlé donc de certains points du shirk, que le musulman doit connaître parfaitement le Tawhid et doit aussi connaître parfaitement son contraire. Allah azzawajal donc nous a s'est dévoilé. Il se dévoile par ces trois points. Par ses noms et attributs, donc par lui-même, afin de le connaître de par son essence, hein, de par ses noms et attributs. Et ça, c'est la meilleure science. Il n'y a pas de meilleure science que connaître que le Asma wa Sifat. Puis, il se connaît aussi par ses actes, donc Af'alullah, c'est-à-dire Rububiyah, et il se dévoile aussi par ce qu'il nous a ordonné. Donc, ce qu'il nous ordonne, ce sont ses ordres. Et on appelle ça Af'al al-Ibad, les actes des serviteurs. Les actes des serviteurs. Ça, c'est Tawhid al-Uluhiyya. Donc, Asma wa Sifat, Rububiyah et al-Uluhiyya. Il se fait connaître par cela. Et aussi, il nous a fait montrer, subhanahu wa ta'ala, toutes les voies qui amènent à cette unicité, à tout ce qu'il faut pour cette unicité, et tout ce qu'il faut justement pour ne pas sombrer dans ce qui est contraire à cela, au shirk, au kufr, au ilhad, donc dans le shirk, donc le politisme, la mécréance, l'athéisme. Donc tout ce qui va amener à cela, les voies, pas seulement le fait d'entrer dans ça, mais simplement les voies qui t'amènent à cela, il nous a interdit. Il nous l'a interdit par énormément de points. Hein, le rouleau fait ça, les films, le fait d'exagérer sur les personnes pieuses. Et autres. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, là où il a le plus mentionné l'interdiction, c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah. Là où il y a le plus de tahdir, le tahdir le plus connu dans le Coran, et le plus nombreux, c'est justement le tahdir qui est dans Ad-Dua, dans l'invocation. Si vous regardez tout le tahdir, c'est justement dans l'invocation. Le fait d'invoquer telle tombe, tel saint, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'importe quel envoyé, et aussi les anges. Certaines personnes ont gardé 3 siècles, qui Daniel. Ils ont gardé Daniel 3 siècles près d'eux. Et ils demandent à Allah Azzawajal auprès de lui. Lorsque les compagnons du prophète sont venus, sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque d'Omar ibn Khattab. Et lorsqu'ils sont partis donc l'Est, du côté de Samarkand, de l'Afrique, donc derrière la Perse, derrière l'Iran. Lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé Daniel. Ils ont trouvé juste, son corps n'a pas changé, si ce n'est que quelques poils de sa nuque qui sont tombés, pas plus que ça. Le corps n'a pas changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc ils ont dit, ils ont vu ça, ils ont prévenu Omar ibn Khattab, radhiyallahu ta'ala anhu, de cela. Et leur a ordonné la nuit de creuser énormément de tombes et de l'enterrer dans une de ces tombes et de ne pas dire où il est et de ne pas dire où il est. Shema yatane tawhid, afin de quoi? De respecter le tawhid. C'est un condamnant envoyé par Allah Azzawajal, d'accord. Mais c'est pas lui qu'on a dansé à Allah Azzawajal. On l'enterre, on ne sait pas où il est, ça ne regarde pas, c'est pas grave ça. Parce qu'on protège le tawhid. Est-ce que beaucoup d'gens auraient fait ça? Ils auraient fait énormément d'argent maintenant avec. Ils auraient fait un lieu de pèlerinage avec une akhili. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ils auraient utilisé en vérité donc d'abord le chef et aussi les bienfaits de la dunya par rapport à cela. Non. Et vous pouvez retrouver cette histoire dans le livre qui s'appelle Fiqh al-Adriya wal-Afqam. Dans le deuxième tome de Sheikh Abdelrazak Abed, Alhamdulillah Azza wa Jal. Fiqh al-Adriya wal-Afqam de Sheikh Abdelrazak Abed. Donc dans la première partie du deuxième tome. déjà donc le fait d'adorer Allah Azza wa Jal. Donc, avec ce dont il a légiféré, avec ce dont il a légiféré. Et bien sûr, la seule voie à prendre, c'est la voie du Coran, de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas d'autre voie, bien sûr, à prendre par rapport à cela. Car l'ibada tawqifiya. L'ibada tawqifiya. C'est-à-dire que tout est interdit dans l'adoration, sauf s'il y a un dalil. Si on me posait la question, est-ce que je peux prier une sixième prière obligatoire, je décide de faire l'après-richa, 4 rak'ah, à minuit et demi, ou à 2h du matin, chacun va dire non, c'est interdit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas légiféré. Donc il y a une origine, la législation obligée que ce soit légiféré. Chaque personne va réfléchir comme ça. Malheureusement, Hassan Moubtadi, il va réfléchir comme ça, sur ça. Pourtant, il va utiliser cette bonne méthode. Mais pourtant, on le voit, donc, ne pas respecter donc justement la législation d'Allah dans énormément de points. Et pourtant, là, il va la respecter. Il va la respecter. Non. Donc, il faut que ce soit légiféré. Il faut un délit, il faut une preuve. Donc, il faut un mince affaire. Il faut une preuve, en réalité, qui est véridique, authentique. Donc, ou dans le Coran, ou bien dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc si elle est dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est obligatoire pour nous, on va essayer de connaître le plus possible sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Le ghuraba, lorsqu'Allah Azza wa Jal ou bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam mentionne le ghuraba, qu'est-ce que le gharib? Celui qui est étrange chez les gens. Les gens de la sunna ou bien les gens de l'islam sont ghuraba vis-à-vis des gens des autres religions. Les gens de la sunna sont ghuraba vis-à-vis des gens qui ne sont pas de la sunna. Les gens, donc Ahmadines, les gens qui ont de la science sont ghuraba vis-à-vis des gens de la sunna aussi. On peut très bien faire partie de l'Ahl Sunna ou Al-Jama'a, mais en étant ami, en étant en réalité de la population, sans avoir spécialement de la science. Donc celui qui avait plus de sens, c'est de l'Ahl Ali. Et celui qui a encore plus de sens, le Shir de l'Ahl Ali, et le grand savant aussi de l'Ahl Ali. Donc en réalité, c'est en forme d'un trou noir, comme si c'était une pyramide. Il y aura à chaque fois des ghuraba qui vont arriver à un certain niveau, et peut-être peu de gens sont de leur niveau, donc ils sont étranges par rapport aux autres. Des grands savants ne pourraient pas passer leur vie avec nous. Car eux, ils ne veulent pas perdre leur temps. Ils ne veulent pas perdre leur temps. Si tu lui fais perdre une heure de son temps, il peut très bien se dire, maintenant, après avoir perdu cette heure-là, ça va le vexer, puis il va dire, j'aurais pu dire autant de livres, maintenant. Mais surtout en disant, pas dans la machine, par exemple, mais c'est pour dire que le temps qu'il a perdu, pour lui, il est cher. Nous, l'heure, elle ne... On ne sait pas des heures, c'est des journées, sans être qu'on se rende compte que des fois, on n'a pris que peu de bénéfices. Que peu de bénéfices. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, par rapport toujours à ça, par rapport à l'apprentissage, il nous dit que les gens, le jour dernier, vont regretter d'une heure, d'une seule heure. Ils sont au paradis. Il y a un seul regret qui existe au paradis. Ils sont au paradis, et le seul regret qui existe au paradis, c'est le fait d'avoir passé une heure sans mentionner le nom d'Allah, sans se rappeler d'Allah. Donc ou bien le Coran, ou bien la Sunna, ou bien le Zikr, ou bien le Fatawa, mais le Mouhim, quelque chose qui a à voir avec l'islam. Ça peut être que ça, c'est un NBA, ça peut être n'importe quoi. Une heure, tu es au paradis, tu regrettes. Pourtant, on est au paradis, tout est parti, sauf une chose qui reste. Une chose dont les gens vont regretter, c'est de ne pas avoir en vérité œuvré plus. En une heure qu'ils n'ont pas en vérité, où ils ont, une heure seulement, où ils ont quoi? Délaisser le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et toujours, bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lui, parce qu'on parle de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, elle a associé la sunna et le Coran, car elle a dit, certes, son comportement était le Coran. Kana khulquhu al-Qur'an. Petite parole, laquelle qui est riche. Aïcha, elle a abrégé. Elle a abrégé, radiallahu anha wa an abiha, elle a abrégé. Et elle a tout simplement fait comprendre que c'est le Coran. Tu veux savoir comment elle est une Nabi sallam, donc reviens au Coran. Et Abdallah ibn Mas'ud dit bien, si la personne, si elle veut savoir quelle est sa situation, quelle en réalité, qu'elle se regarde face au Coran. Il faut que le Coran, c'est ton miroir. Le Coran doit être, donc, il faut qu'il soit ton miroir. Il faut que le Coran soit ton miroir. Tu te regardes face au Coran. Qu'est-ce que réellement, en réalité, tu mets en application? Au point que les compagnons du prophète ne faisaient quoi? Ne s'arrêtaient qu'à 10 versets pour apprendre. Ils n'apprenaient que 10 versets. Ils le comprenaient en mettant en application. Et si une parole, ne serait-ce qu'une parole, ne, donc en vérité, était étrangère chez eux, ou bien n'ont pas compris le sens, ils demandent tout de suite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne survolent pas, c'est pas juste de la simple lecture. Ils ne survolent pas. Là, ils ne comprennent pas. Hein, qu'est-ce que cela veut dire? Il y a Kifoul, un d'Akoudi Ayat. Donc le soir, ils lisaient et la journée est recherchée, comme ils disent. Le soir, ils lisaient et la journée est recherchée, ce qu'ils avaient donné, ce que. Est-ce que... Donc cela, que veut dire cela et que veut dire cela? Voilà comment en vérité ils étaient les compagnons du prophète, les meilleurs de cette communauté. Aussi Allah Azza wa Jal dit: Wa anzalna ilayka al-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Cela montre que la sunna est importante. Nous avons descendu vers toi le rappel afin que tu leur montres clairement. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'il leur a montré clairement. C'est-à-dire qu'il a parlé. Les gens qui disent non, on ne prend pas de la sunna. Comment ils font? 23 ans, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il reste muet. Il y a que le Coran qui descend et puis il n'explique pas comment ça veut dire. Il n'y a aucun autre qui a une fois, qui s'est une fois dit qu'est-ce que cela veut dire. Ils disent que le Coran, et pourtant eux-mêmes, ils vont voir leur imam et ils disent à leur imam ce verset, qu'est-ce que ça veut dire. Et ils rejettent la souveraine, mais pourtant eux-mêmes ils posent la question. Ça fait les compagnons, ils n'ont pas été comme toi avant toi, ils ne se sont pas posé les questions, ils n'ont pas dit à Nabi, ça va sans qu'est-ce que cela veut dire. Nabi s'est maintenant expliqué, donc ça devient quoi? Ça devient sunna, c'est hadith. C'est hadith du prophète, ça va sans, puisque c'est sa parole. Afin que tu expliques clairement aux gens ce qui a été descendu sur eux, en espérant qu'ils vont méditer, en espérant qu'ils vont réfléchir. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ أَلَّذِي اخْتُلِفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Même chose ici. Tout ce que nous avons descendu sur toi du livre, c'est que pour que tu leur expliques clairement ce dont ils sont en divergence. اخْتُلِفُوا فِيهِ. Ils sont en divergence sur les Allah Azza wa Jalla. Il y a des gens qui disent que le jour dernier, il y a des gens qui ne le disent pas, il a fait les. Le Nabi Sami vient expliquer. Il vient être le juge. Il vient donc être celui qui va trancher. Donc c'est le retour vers lui, il est obligatoire. Cela prouve qu'en vérité, le retour vers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est obligatoire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc il a parlé, il a montré les choses aussi clairement. Il suffit de voir par rapport aux ablutions. Lorsqu'il dit Hada udu'i, wa udu'l anbiya bil qabr, faman zada wa qasa. Voici mon ablution. Et l'ablution, donc ça veut dire qu'il l'a fait. Ça, c'est un was. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré comment il s'ablutionne devant les gens. Et ça, c'est une sunna. C'est une sunna de le faire. Ou de prier, de montrer comment les gens doivent prier. De faire les ablutions et de montrer aux gens comment les ablutions doivent être faites. C'est une sunna. Voici mon ablution ainsi que les ablutions des envoyés avant moi. Et celui qui en rajoute ou qui en diminue a donc été quoi? A donc en vérité quelque chose de mauvais et il a été injuste. Il est en vérité injuste. Pas ici, lorsqu'il dit une taras, ou bien un kassa plutôt, ça ne veut pas dire comme quoi que si tu fais qu'une fois ou deux fois. On sait qu'une fois c'est wajib. Deux fois, donc tu rentres dans la sunna et trois fois tu rentres dans la sunna qui est complète. Mais là, ça veut dire que tu as délaissé des membres. Un kassa. Tu n'as pas en vérité respecté tous les membres. Donc tu as été injuste, tu as transgressé. Parce que si tu fais qu'une fois, tu es entré dans l'obligation. Il n'y a pas de problème. Ton odeur est respecté. Elle est bonne. Et aussi, Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Sallu kama raitumuni ou salli » Priez comme vous m'avez vu prier. Et il a fait à qui? À cette délégation de jeunes qui sont venus d'une tribu, qui ont vécu avec lui. Qui ont vécu avec lui plusieurs jours. Et Al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, leur a montré comment... Donc, comment il a prié. Et c'est dans ce hadith qu'on retrouve justement Jelsa al-Istiraha. Donc, les savants disent que Jelsa al-Istiraha n'est pas venu que avant sa mort, lorsqu'il était fatigué, il a prié. Ça, c'est pas vrai. Le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était fatigué, il a prié ou assis, ou bien il a délégué à voir quand il s'est prié. Et avant cela, il était en forme. Juste avant cela, il était en forme. Et les actes de sa mort n'ont pas été longs. Donc, il y a aussi des réponses par rapport toujours à ça, par rapport à Jelsa al-Istiraha. Et aussi, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Akshu salam baynakum wa akhimu ta'am wa salu billahi wa nasiyam tadkhulu jannata bisalam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, donc répandez le salut entre vous. Donc, donnez de la nourriture, nourrissez les gens, priez alors que les gens dorment et vous entrerez au paradis en toute sécurité. Bisalam, avec paix. Donc, ou bien, birez les fils à Bola Adam. Ou bien du shafa'ati, c'est-à-dire un ziyad dans le paradis, tout ce qui est bisalam, c'est-à-dire que tu entres avec facilité. Sûrement Allah va même peut-être augmenter, hein, donc va t'élever en degré ne parle justement la chata'a de cela. Non. Et ça, en fin de compte, c'est pour montrer comment il était le prophète, c'est-à-dire que ça qu'on doit commettre. Lorsque tu sais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu mets en application. Hein, prenez de moi votre hajj. Tous les ahadiths du prophète, qui sont là. Et les ahadiths du prophète, étaient tellement respectés chez les compagnons que, lorsqu'il y a eu des combats entre eux, lorsqu'il y a eu des combats avec Ali Mouawiya, certains se sont souvenus d'ahadiths du prophète, qui mentionnait que, par rapport à Ammar ibn Yasir, Tartul Kalfiya al-Bariya va tuer donc le groupe qui a transgressé. Là, ceux qui étaient de l'autre côté, alors qu'ils connaissaient le hadith du prophète, dès qu'ils ont compris ça, ils ont vu ça, ils ont carrément été d'un côté, ils sont revenus, à cause du hadith du prophète. Au moment des combats, ils ont laissé tout ce qu'ils avaient dans le cœur. Comme, par exemple, comme passion, comme chose en vérité qui était là, parce que ces moments difficiles. On pense que notre idée, c'est là la bonne. Alors on va combattre auprès de tel émir, alors que l'émir a raison. Il a fait les rites. Donc c'était pas un khulouj. C'était pas non plus une fitna, mais c'était pas un khulouj. Donc entre les compagnons, il faut bien comprendre cela. Que chacun pensait être dans la vérité, c'est ijtihad de leur part. Et quand ils ont vu ce hadith du prophète, ils sont revenus. Ils ont entendu ce hadith du prophète, ils sont souvenus, ils ont vu ça. Et ça les a donc remis. Donc justement, ils sont revenus directement. Car la parole du prophète, ça va avoir cette passe pas avant, justement, même au moment où tu te retrouves face à des moments difficiles. Imaginez un petit peu le niveau de foi qu'il faut pour pouvoir faire ça. Pour pouvoir se souvenir du hadith du prophète, là où c'est complètement difficile. Le Nabi Sansan nous a même appris, même lorsque l'on perd quelqu'un de la famille. Ça, que le Nabi Sansan nous a dit, comme quoi que la patience, c'est awad sabna. C'est au dès le début, de patienter, dès que c'est, quoi, donc dès que tu connais la nouvelle. Un tel ou un tel ou un tel de la famille est mort. Et tout de suite, tu vois quoi, tu patientes. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Alhamdulillah. La personne directement accède. Elle sait que c'est Allah qui t'a donné la vie et c'est lui qui t'a reprend. Elle le sait. Donc la personne n'est pas justement en train de maudire, insulter, dire oh Allah, pourquoi j'ai fait ça, se griffer, arracher donc s'arracher le col, dire des choses qui vont en vérité le châtier plutôt qu'autre chose. Qui vont en vérité le châtier plutôt qu'autre chose. Donc voici en vérité celui qui suit réellement la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais qui, en vérité, est comme cela? Qui en vérité pense comme ça? Que celui qui est en constant rappel avec la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu oublies, tu laisses des jours, des mois, mais crois-moi que tu oublies. Donc lorsqu'il va arriver, des difficultés, justement, ça va être difficile pour toi. Mais lorsque tu es en constant rappel, c'est beaucoup plus facile pour toi de patienter et de tenir. Car ces hadiths te font augmenter la foi, tout simplement. Et comme tu les mets en pratique, et comme tu les écoutes, et comme, et bien justement, tu vas en vérité tenir. Tu vas mieux tenir par rapport à cela. Il y en a encore toujours par rapport à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque tu fais un dit, par rapport à cela, une règle, on peut dire « Wali hada qala al-fuqa'a al-ibadat mabnaha ala tawqif » كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قبل الحجر الاسود وقال والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. Donc عمر بن الخطاب donc là le cheikh Islam Taymiyyah donne la règle pour dire que les savants ont dit que les adorations ont comme base le tawqif, le fait de s'arrêter. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou j'ai pas le droit? J'ai le droit, donc à partir du Coran de la Sunna. Ça n'existe pas, ni dans le Coran de la Sunna, donc je n'ai pas le droit de le faire. Je ne veux pas inventer. Certes, je sais que tu n'es qu'une pierre. Ni tu causes du tort, et ni tu es profitable. Si seulement je n'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Donc maintenant, je le fais que parce que j'ai vu le prophète. C'est juste ça. C'est juste ça. Donc la règle de l'embrasser, c'est parce que mon avis, c'est meilleur. Donc s'il l'a fait, moi je le fais, donc en suivant sa sunna, je sais qu'en vérité je suis récompensé. En suivant sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, je sais en vérité que je suis récompensé. Car j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car j'aime le suivre, sallallahu alayhi wa sallam, même si je ne connais pas la raison. Donc là, et là c'est pas que tu la touches, que tu l'embrasses, ça y est, tu es fait le jannah. Les gens, lorsque tu vois les gens, la première chose que tu dis, c'est René du Hajj, alhamdulillah, j'embrasse la pierre noire. Comme si c'était quoi la plus importante. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est souvent ce qu'on entend. J'ai embrassé la pierre noire. Quoi qu'il en soit, peut pousser tout le monde, il peut s'écraser, il peut repousser. C'est ce qui compte pour lui. Alors qu'en vérité, ce qui compte, c'est d'adorer Allah Azza wa Jalla comme il le faut et de respecter ton hajj, hein, selon la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, selon la législation. Mais si tu as commis autant et autant de péchés dans ce hajj-là, même si tu embrasses 10 fois la pierre, qu'est-ce que cela en vérité, en réalité, changera? Donc les gens voient justement ça, il y a une choubra chez les gens, c'est que le fait qu'on touche, ils pensent que tu as la baraka est toujours dans ce qui est physique, ne s'arrête que dans ce qui est en réalité physique. Et aussi, la preuve donc, de l'amour d'Allah Azza wa Jal, c'est aussi le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une preuve d'amour d'Allah Azza wa Jal. Et Allah a dit, quand vous êtes tous les bons Allah, فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Donc certes, si réellement vous aimez Allah, suivez-moi, فَاتَّبِعُونِ. Votre suivi est une preuve de l'amour d'Allah Azza wa Jal. يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ. Allah va vous aimer et va vous pardonner vos péchés. Va vous pardonner vos péchés. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Allah est dit dans un autre verset. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. Le pardonneur est celui qui aime beaucoup. Parce qu'il vous pardonne, hein, par vos actes, par votre demande de pardon, et aussi par, et il vous aime beaucoup. Parce que vous demandez pardon, vous savez qu'Allah vous pardonne, et aussi vous avancez, donc vous remettez, vous allez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et Ibn Khayyim rahimahullah alayhi dit, dans une parole qui ressemble, donc dans Fil-Ma'an al-Qawl, c'est qu'il dit que lorsque Kasra Mudda'un, al-Mahabat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tolibou bi al-Dalil, bil-Burhan, donc Bil-Ma'an al-Qawl, donc le chef. Ibn Al-Qayyim, rahmatullah alayhi, le grand savant Ibn Al-Qayyim, dit, rahmatullah, lorsque beaucoup de gens ont prétendu qu'ils aimaient Allah Azza wa Jalla, on leur a demandé des preuves. C'est-à-dire le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pas juste de dire j'aime Allah. Moi, après, j'aime Allah, c'est bon, ma foi, elle est super faite. J'aime Allah. On a demandé des preuves. Et les preuves, c'est justement le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est de suivre en vérité al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah, il y a énormément d'exemples à coucher par rapport à cela. Donc, ce qu'on retire de ces petits points ici, de ces points qui sont mis là, c'est en vérité de savoir hein, que cela revient, la législation, en vérité, elle revient en vérité à la parole qui est la meilleure. Donc, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Le fait d'adorer Allah Azza wa Jalla seul sans associer, donc c'est la ilaha illallah. Hein, donc, la ilaha nafi, illallah istaf. Donc, le fait de renier tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et le fait d'affirmer l'adoration d'Allah Azza wa Jalla seul sans l'associer. Donc il faut les deux. Et après, Muhammad Rasulullah. Donc que d'adorer Allah Azza wa Jalla que par la voix, que par le biais hein, de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que par cela. Et à partir de cela, donc justement, bah, tu auras, donc car la religion ne se bâtit que par ces deux points-là. Al-Tawhid wa al-Mutaba'a. Al-Ikhlas wa al-Mutaba'a. Al-Ikhlas wa al-Mutaba'a. Et vous connaissez, à mon avis, tous, ou presque tous, donc la parole de. Donc la parole de Sou 1, 2, vous allez m'aider peut-être. Hein? Là. Non, pas la parole, non, par rapport à l'Ikhlas wa al-Mutaba'a. Là, non, justement, par rapport à lorsqu'on a dit pris là. Ça va revenir à Inch'Allah Ma'alish, le nom du savant, donc Rahmatullah Ali. Lorsqu'on lui pose question par rapport à Ablakum, Aïkum Ahsanu Amala, on lui pose la question par rapport à ce verset-là, afin que de vous éprouver qui, donc, connaît, donc qui, on va le faire de la meilleure façon. Et après, il a dit, donc Ahsanu, c'est justement que Akhlas, hein, donc Akhlas et Aswab. Donc le radic, c'est en réalité le plus pur et le plus juste, le plus conforme à la Sunna. Et quand on lui pose la question, quel est le. Plus pur, donc il a dit celui qui est plus sincère en présentant envers Allah Azza wa Jalla et le plus donc le plus conforme, c'est celui qui en vérité conforme à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est qui? Le Fudayl ibn Iyad. Là c'est Fudayl ibn Iyad, rahmatullah alayhi. Donc toujours par rapport à cela, donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit par rapport justement à la sunna, qui doit être en vérité donc bien précise, qui doit être connue et authentique de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mentionné des hadiths qui sont de base et on retrouve dans Al-Nawawiyah ou dans énormément de hadiths. Ce sont des hadiths qui sont donc connus des gens, et qui sont de base. Lorsqu'il dit Man amila amala laysa alayhi amruna fahuwa radd. Donc vous connaissez ce hadith. Donc c'est clair que celui qui met en application une œuvre, alors que cette œuvre ne fait pas partie de notre religion, elle est rejetée. Cette œuvre lui est rejetée, repoussée. Elle est mardoud ala sahibi. Donc elle est rejetée là, sur le visage de celui qui l'a fait. Donc là il dit bien amila amala, chaque acte, c'est général. Donc il n'y a pas, tu dis, ça c'est pas grave, je peux le faire. On parle de tout. On parle en vérité, donc de tout. Chaque œuvre qui te rapproche d'Allah Azza wa Jalla, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la meilleure façon. Chaque œuvre dont tu penses qu'elle va te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, elle n'a pas été légiférée, elle n'existe pas dans l'islam, donc en vérité, elle t'éloigne d'Allah Azza wa Jalla, et en vérité, elle te rapproche donc, de Shaytan. Elle te rapproche de Shaytan. Et toujours un Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'on a vu auparavant qui nous a appris comment on fait nos ablutions, comment on prie. Il nous a appris aussi comment on se comporte. Lorsque un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est entré donc à Médine, ça c'était dans le début, à Médine. Lorsqu'il a dit donc répondez le salut, donnez de la nourriture, priez alors que les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute sécurité, en paix. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'akhlaq, donc le bon comportement, dès le début à Médine. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc son comportement, il était déjà là. Alhamdulillah, il avait déjà donc de nobles comportements. Et il est venu pour parfaire les nobles comportements. Dans le sens où les gens avaient des nobles comportements qui viennent d'où? Qui viennent des religions auparavant, donc des chrétiens, des juifs, des autres prophètes. Il y avait déjà des nobles comportements, mais l'islam est venu pour confiner, pour affiner ses comportements. C'est-à-dire celui qui avait un bon comportement envers ses voisins, et si ce comportement est écrit dans la Bible ou la Torah, hein, dans les Zabur, dans tous les livres, l'islam est venu pour confiner c'est-à-dire affiner et faire que ce comportement est encore meilleur. Dans tout. C'est pour ça qu'on dit que la religion est meilleure. Dans tout, elle a été meilleure. La prière dans l'islam, elle est meilleure que votre prière. Le jeûne dans l'islam est le meilleur que les jeunes prières. Donc c'est le plus parfait. Avoir essayé donc à confiner, à affiner toutes les adorations de façon qui existait déjà donc avant le prophète Mohammed, de la meilleure façon, c'est-à-dire par rapport aux musulmans, pour les musulmans. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aussi, toujours par rapport à ce comportement-là, il l'avait. Alors donc il a aussi éduqué de la meilleure façon. Alors il a éduqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la meilleure façon. Et on le voit. Lorsque la révélation lui vient, Khadija, déjà, elle lui dit qu'Allah sallallahu c'est clair que ça va de la part d'Allah, qui ne va pas te laisser. Car tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Elle mentionne énormément avec le bon comportement. La même chose lorsque Jabir part avec le compagnon, Jafar part avec le compagnon Ahad al-Habasha, lorsqu'il explique qu'on est juste comment était le prophète, il mentionne le tawhid et il mentionne le comportement. Car le comportement est venu dès le début du saint. Il n'est pas venu après. Hein, c'est pas comme certaines règles religieuses. Le comportement, normalement, on doit l'avoir, les gens l'avaient, même s'il y avait des gens qui avaient déjà des bons comportements, même avant la venue du saint. Et ça a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute sa prophétie. Ça a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans toute sa prophétie. Regardez, dès le début, lorsqu'il va en Médine, il montre comment que les gens doivent être. Il dit, Akshu Salam, répondez le salut. Donc automatiquement, lorsque tu réponds le salut, tu souris. Il y a énormément de choses derrière. Celui qui est tout le temps très sourire les gens prennent bien, il est incrédible. Mais si tu ne salues pas, si tu baisses la tête et que tu ne veux pas saluer ton frère, automatiquement en face, la personne va penser que tu n'aimes pas, que tu. Donc on va amener en vérité plutôt à une division qu'une union. Aussi, donc nourrissez les gens, le fait d'inviter les gens, ça fait plaisir. Les invitations, ça fait plaisir, même si c'est rare. Mais les gens sont contents en vérité d'être invités chez les autres, de manger, de discuter ensemble et d'accueillir. Donc c'est des moments conviviaux. Et prier la nuit alors que les gens dorment. Et ça, c'est un signe de grande foi, Abdelhamid. Car c'est vraiment la sincérité. De prier la nuit alors que les gens, en vérité, sont en train de dormir. C'est pas donné à tout le monde. Et même Ahmed dit, Zel Esparéchim. C'est en vérité l'habitude des hommes pieux. Zel Esparéchim. Les hommes pieux, c'est ça. Ils prient la nuit. Naam. Donc regardez comment Al-Nabi, il leur a demandé de faire aux compagnons lorsqu'ils sont entrés en Médine. Et puis aussi, Innama Bouhistu Yutamir. Donc je suis venu pour compléter en vérité les bons comportements, les nobles comportements donc qui existent déjà à l'origine. Othman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu n'a jamais bu d'alcool et il a dit pourquoi je vais donc faire disparaître ma raison, et alors elle ne va pas me revenir complètement. Donc pour lui, le fait de que tu vois ta raison disparaître, elle ne peut plus revenir saine 100% comme elle était auparavant. Automatiquement, pour lui, il y aura un manquement. Ne serait-ce que le fait de savoir donc, intérieurement que tu as bu. Que tu as bu. Donc déjà même par rapport à ça. Vous voyez, donc ça, ça fait partie en réalité des nobles comportements et des nobles pensées. C'est pour ça que, donc, que les deux hadiths sont associés. Ibn Abdelbar dit, donc, ce hadith qui est madani, authentique, donc il entre dans le sens de ce hadith justement, as-salah, donc la piété, ou le fait de s'arranger, le fait de se corriger. Wal-khair, kulluhu wa-din, wal-faq, wal-muru'a, wal-ihsan, wal-adl. Donc il voit qu'il y a le bien, il y a aussi donc la religion, il y a le faq, donc les bienfaits, faq, c'est-à-dire le fait de, donc, de faire du bien, al-muru'a, la bienséance, avoir en vérité un bon comportement, la bonté et l'équité. فبذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتممه donc le Nabi صلى الله عليه وسلم est venu pour cela afin de compléter tous ces biens-là, tout en vérité toutes ces choses-là. Mais aussi parmi donc les ulama ils ont dit par rapport il y a un verset qui va en vérité donc englober el-bir c'est en vérité la piété, c'est en vérité l'obéissance, c'est en vérité énormément d'adoration. Et vous voyez bien donc dans un verset donc dans Sourate al-Baqara, qui se retrouve à peu près dans le milieu de Sourate al-Baqara, il est salbir à Antoual ou Djouha comme Kibala al-Mashriq al-Maghrib. Jusqu'à la fin du verset, on voit bien qu'il y a la croyance en Allah, il y a l'adoration, donc les prières et l'akhiri, il y a la zakat, il y a le fait donc de donner aux pauvres, hein, le patienter. Il y a énormément de bienfaits, et salbir. En vérité, le bir, c'est toute l'adoration. C'est toute l'adoration. Wal-fadl, wal-makarim al-akhlaq. Le Nabi, c'est Allah dit, Inna Allah ya'muru bil-adl wal-ihsan. وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تتذكرون. Il dit, Allah Azza wa Jalla, donc certes Allah ordonne la justice et la bonté. Et donc le fait donc, d'être bon aussi donc, avec les proches. ذي القربى, إيتاء ذي القربى. Le fait d'être bien, après la bienséance envers les proches. Et il interdit le blâmable, la turpitude et le fait de transgresser. Il vous conseille ou il vous exhorte. Enfin, que vous convertissez, que vous réfléchissiez. Donc tout ça, ça amène à quoi? Ça amène au bon comportement. Et ça, c'est souvent, on l'entend dans des khutab. On l'entend dans les sermons du vendredi. Et aussi, toujours par rapport au bon comportement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire le bon comportement lorsqu'il questionne, des gens ont questionné Aïcha, radhiallahu ta'ala, donc c'est une parole qui a été rapportée par Wahb, Ibn Munabbih. Il dit, ma kalam al-akhlaq, sidq al-hadith, wa sidq al-nas, wa i'ta al-sa'il. ومكافأة وحفظ الأمانة وصلة الرحم وتذميم المصائب وقل الضيف وإحياء رأسها نقول وإحياء رأسها نقول دي ici النبي نقول c'est une parole d'Aïcha qui dit que les bons comportements sont le fait de dire la vérité صدق الحديث et aussi صدق الناس c'est-à-dire d'être en vérité véridique donc vis-à-vis des gens de donner à celui qui a besoin de donner celui qui a besoin. C'est parti de l'islam, ça. C'est-à-dire, on va dire, donc, d'être en vérité bon dans les gens, de les aider dans tous les points possibles. Le fait de respecter le dépôt, que ce soit dans le matériel ou que ce soit aussi dans la parole. Si la personne te dit quelque chose et elle te dit c'est secret, sachez que ce que la personne t'a dit, lorsque vous vous détournez, ça devient chiton amana. Vous vous êtes séparés, là, c'est devenu en réalité une amana. Donc, c'est un dépôt. Il ne faut pas en vérité le raconter. Garder les liens de parenté, hein, donc en vérité tisser les liens de parenté, hein, du plus proche au moins proche. Aussi, tazmoum le sahib, toujours en vérité donc, par rapport à la bonne compagnie. Le fait de respecter donc, l'invité, le fait en vérité d'honorer l'invité, de connaître l'honorer l'invité, donc c'est trois jours. Un jour où tu vas en vérité œuvrer, donc c'est-à-dire tu vas en vérité lui poser, hein, donc tu vas lui poser ce que tu n'as pas l'habitude de faire, il y aura peut-être des choses en plus, des fruits en plus, peut-être des confiseries en plus, ou bien des gâteaux, ou bien, hein, donc bien plus de viande, par exemple. Et les deux autres jours, ce sont comme tes jours habituels. Et au-delà de ça, en vérité, la personne, elle doit en vérité profiter, demander l'autorisation, sinon en vérité, elle ne reste pas. Sinon, ça devient du profit, ça devient plus de l'invitation. والحياء والحياء رأسها. الحياء وتراجع اللي احنا الحياء رأسها. Et la pudeur, c'est la tête de tout ça. C'est en vérité donc ce qui va t'amener à tout cela. La pudeur t'amène justement à respecter les gens, t'amène à honorer les gens. La pudeur, c'est elle qui va en vérité t'amener, qui va te pousser à la kulhal, à tout cela. Et aussi toujours, bien sûr, donc ça c'est un risque de la part d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla donc a donné en subsistance donc tous ces comportements. Yuqassimu al-akhlaq liman yasha. Allah Azza wa Jalla donc il départage les bons comportements envers qui il veut. Il est possible qu'il y ait des gens qui sont forts dans le domaine d'éduquer les gens. Ils sont meilleurs que d'autres. Il y a des gens qui vont être meilleurs que d'autres dans le fait de donner le salaka. Il y a des gens qui vont être meilleurs que d'autres que dans le fait de hein, avoir un visage radieux. Il a fait. Donc, il est possible qu'il y ait des gens qui ont donc, un manque dans cette partie, mais ils, en vérité, ils excellent dans une autre partie. Dans une autre partie. Ça, c'est comme ça. Donc, ça, c'est de la part d'Allah Azza wa Jalla. C'est de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toujours, on voit que chez le Saint Timmy, donc il avait parlé, et on a vu tout à l'heure que donc le Fouqa avait dit, on dit, les Fouqa ont dit que les adorations ont comme base le tawqif, le fait de s'arrêter, comme dans le hadith donc de Omar ibn Khattab vis-à-vis donc de Al-Hajar al-Aswad, donc de Al-Hajar al-Aswad, ainsi que ce qu'on a vu là, c'est un vrai résumé, donc le fait de savoir que si tu réellement tu aimes Allah Azza wa Jalla, donc suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, wa in tuti'uhu tahtadu. Si vous le suivez, vous serez réellement guidé. Si vous serez en vérité réellement guidé. Et puis aussi, il y a un résultat, bien sûr, le Jannah. Allah Azza wa Jalla dit, wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-'azim. Donc celui qui obéit à Allah et à son envoyé, il entrera dans le paradis. Sous les quelques des ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voici donc la grande réussite. Le fait d'entrer donc au paradis. Barakallahu fikou, subhanallahu wa hamdik, ashhadu anna ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Donc il me reste deux cours. Je pensais faire deux cours sur la bida, mais je pense que je vais terminer peut-être demain, à mon avis, sur la sunna aussi. Et peut-être que la moitié d'un cours sur la sunna, petit un cours et demi sur. Sur la bida. Barakallahu fikoum. Donc demain, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.